Auditeurs et auditrices de Radio Chevaucheur, Lysiane vous dit bonjour. Quoi de neuf en ce dimanche? Attentat à Moscou. Le beau temps arrive et six crèmes solaires sont en problématique sur 14. Polémique autour du choix du bout à tout à Namur. People, aujourd'hui c'est Corneille. Demain, Elton John, mardi, voisine, mercredi, Maria Carré, jeudi, Lady Gaga, vendredi, le petit Nicolas, samedi, Céline Dion et dimanche prochain, Télétubbies. Ah, c'était Corneille hein, sur les antennes de Radio Chevaucheur. Fêtons aujourd'hui la Sainte-Catherine de Suède et c'est le jour des rameaux. Le dicton qu'en mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés. Pensée positive, le verbe aimer n'est jamais simple à conjuguer. Son passé n'est pas simple, son présent n'est qu'à indicatif et son futur est toujours conditionnel. Jean Cotteau. Et la petite blague que je viens de lire, deux amis se rencontrent. Alors tes vacances dans le désert, demande le premier, c'est bien passé? C'est super, sauf que j'ai eu un accident, j'ai heurté un chameau avec ma voiture. C'est ennuyeux et ça a été pas trop grave. L'autre répond, non, la voiture n'a rien, mais le chameau s'est tiré avec deux bosses. Vous avez joué au loto, vous êtes peut-être les heureux gagnants du 21, 24, 30, 32, 39 40 et le 2. Pour le Joker Plus, le 08 3 9 99. Je répète, le 08 39 99, signe Bélier. Ce mardi, Jean-François recevra dans son émission pour défendre la langue wallonne M. Pascal Éringer à 10h le matin. Bonne écoute. Le club de football de Fleuret vous invite à leur karaoké samedi 13 avril à 19h. Si vous voulez vous renseigner, c'est le 0477 86 55 60. Au mois d'avril, c'est-à-dire le 6 et le 7 avril, maquettes et figurines à la salle des fêtes de Spi. Venez nombreux dès 10h le matin, l'entrée est gratuite. Au 0484-772-331. Belgium International Tech Ball, j'espère que ça se dit ainsi, Open. C'est jouer bien sûr du foot au-dessus d'une table. Ça se passe du 5 au 7 avril. Ça se déroulera à Wavre. Toujours l'émission Quoi de Neuf, il est 9h16. 9h30, vous aurez bien sûr votre apéritif musette. Et en parlant de musette, n'oubliez pas, ce dimanche après-midi, nous aurons Manu de Fleurs. Et dimanche prochain, nous serons en congé au week-end de Pâques. Jour de Rameau, jour de Sainte-Catherine aujourd'hui. Le 24 mars en 1808, la première pierre était posée à la Bourse de Paris. Et en 1934, la première Citroën, le premier modèle à traction avant. 1948, le droit des femmes pour voter. Et 1999, l'incendie se déclare dans le tunnel du Mont-Blanc. Elle a 12 ans, des yeux bleus pleins de rêves, lui vient d'avoir ses 14 ans. Timidement, un poids au bord des lèvres, après l'école, elle lui chante en riant. Si tu m'offres une glace à la vanille, je serai gentille. Si tu m'offres une glace au chocolat. Une glace à la vanille, une glace au chocolat, pourquoi pas, c'est la journée de la glace, bien sûr artisanale. Si tu m'offres une glace aux ananas, tu pourras venir jouer chez moi. Je vais lui offrir toutes les glaces du monde, hein, comme c'est la journée aujourd'hui pour cette chanteuse. Je t'aime très fort, maman. Et ce CD est disponible par Radio Chevauchoir au prix de 3 euros si vous voulez l'acquérir en cette journée. N'oubliez pas que cet après-midi à 14h, nous aurons Manu de Fleurs. Le 7 avril, ce sera une journée complète pour Radio Chevauchoir. Et bien sûr, ce sera une journée récréative. Il y aura un jeu bingo, il y aura également un karaoké, il y aura également de la danse, des chanteurs, enfin, un peu de tout que vous pourrez venir découvrir. C'est l'entrée gratuite le 7 avril. Et il y aura un repas du midi, si vous voulez nous rejoindre. Et puis, nous aurons le 14 avril, il y a un petit changement sur le programme. Ce sera une sortie, et non à la guinguette, mais une sortie à l'extérieur. Et puis alors le 21 avril, ce sera Josiane Martin, et le 28 avril, nous aurons Cathy Minet. Et puis le 5 mai, la journée de la femme, n'oubliez pas de vous inscrire si vous voulez vendre vos accessoires artisanaux, c'est-à-dire vêtements, bijoux, cosmétiques ou autres. Hein. Ce sera le dimanche 5 mai. Et si le beau temps est parmi nous, vous pourrez mettre votre tonnelle à l'extérieur sur le parking pour vendre vos objets. L'entrée est gratuite et l'emplacement aussi. Alors, on continue cette émission avec le dernier 10 de Quoi de neuf. Voici votre apéritif musette, comme chaque dimanche matin. L'émission est parrainée par Papier Georges de Thon, Karine et David de Courrières, Josette et Émile de Bioul, André Brigitte Dégueuzé, Nicole de Stave, Josette Francine de Bioul, Nicole et Jacques de Salzine, Gisèle de Gève, Mimi de Crupet, Yvette de Bossière-Saint-Gérard, Jacqueline et Michel de Bouche, Eliane de Profondville, Luce de Mettin, Simone de Denay, Alain Denis de Malone, Loulou d'Ivoire, Michel et Patricia de Mayen, Marie-Josée Willy du Gournois, Monique de Buzet et Léonard du Gournois. Merci parrain et marraine. On voyage dans cette émission. Dans votre village. Allez, les petits croissants, les petits pains au chocolat pour commencer cette émission. Et vers 11h, on prendra l'apéritif ensemble. Nous allons commencer tout de suite avec un accordéoniste qui sera là cet après-midi, Manu Defleur.